tu la connais la routine de mes potes, hein. Levé à 15h de l'après-midi, basta, faut chôme du. Hey, sur une prod de fixeur, Nervi, dis-leur c'est quoi ta routine? Un réveil tardif comme d'habitude. Je me lève la tête dans le cul avec la biture. Un sale mal de crâne, ça merge, j'ai la flemme. J'ai RTP avec ma routine quotidienne. À peine debout, faut que je démarre, me prépare en balle. Passe un coup de bico pour capter mes potes en bas. Mes Kaira, Carla, Galeria du bloc. Ceux qui touchent pas à la coque mélangent le shit dans la clope. Les heures passent dans les poches plus d'espèces. Parle de tout et rien des dernières news de la tête. Toujours à la même place, forcément on pète un plomb. Faut qu'on se barre du Tchekar pour trouver un bête de plan. Avant, faut gagner un truc qui paye sur Dieu gré. Mets-moi bien aujourd'hui, ma douche te rendrait ça fait. On y va, sale fête, de galérer ensemble. La routine est plus que quotidienne, elle est dans le sang. Ma routine, celle d'un petit galérien de test qui évolue avec ses rugs, même en temps de S. Ma routine, passe sa journée à sonner, tourner en rond toujours à la recherche de monnaie. Ma routine, plongée dans les chaises et les bonnes femmes. Entre le studio, les poteaux, le macadam. Classique pour un mec de la banlieue de Paname. Quand la routine devient banale, rien de neuf dans ma routine habituelle. Côtoie les mêmes refs, partage les mêmes rituels. On gère les meufs, croise les keufs dans les petites ruelles. Une querelle peut se transformer en défi cruel. Au hall on est fidèle, la police veille mais on se met fidèle. Contrôle abusif, tu as l'épiderme. La fumée de l'alcool pour décoller de la terre. Stapper des raps à chaque soir pour planer sur Jupiter. Les heures passent, toujours la même classe. Pas d'évolution, stagne, bloqué dans l'impasse. Faut se casser, fourrer chez une co pour la résoir. On trouvait un plan squat, sinon rentrer chez soi. Chacun a sa petite idée dans la tête. Donc on se quitte par des checks, main de zéro. Rebelote les mecs, s'il y a rien à faire, je finirai ma soirée au studio. M'inspirer de ma journée, la raconter sur Pistocho. Ma routine, celle d'un petit galérien de test qui évolue avec ses refs, même en temps de S. Ma routine, passe sa journée à sonner, tourner en rond toujours à la recherche de monnaie. Ma routine, plongée dans les chaises et les bonnes femmes. Entre le studio, les poteaux, le macadam. Classique pour un mec de la banlieue de Paname. Quand la routine devient banale. Échantillon corrosif.